On s'en va entendre les meilleurs moments. Ça veut pas dire grand chose. Écoutez, les vous allez voir. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments de l'assemblage requis pour la semaine du 4 novembre 2013. Mathieu, t'as le don de m'impressionner. Ça fait plaisir. Waouh! J'étais crispé. Je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. C'était beau. C'était beau. J'attendais que t'arrives pour te faire jouer. Oui, tu fais bien. Ben oui. On était en ronde à partir de vendredi. Il y a eu évidemment une panne de courant à Trois-Rivières. Je pense que la majorité des gens sont au courant. Ouais, et qu'il y avait des vents. Qu'il y avait des vents. Mais contrairement à la croyance populaire, c'est pas l'antenne qui est pétée! Non, notre antenne va très très bien. L'émetteur aussi. Par contre, ce qui a pété, c'est l'exciter. Notre excitatrice. C'est ce qui rend la radio excitante. Donc si jamais la radio devient plate dans les prochains jours, c'est parce qu'on n'a pas d'exciter. Voilà, exactement. Petit retour sur les élections parce que j'ai tellement ri avec la caricature de notre ami Alexandre Zwick. La karatécature. Oui, caricature. Ouais, mais les mots à plus de 3 syllabes le matin sont excessivement difficiles et ne sont pas accessibles pour ma bouche. Non. Allez sur zonecampus.ca qui sont CA les deux premières lettres du mot caricature, donc très appartenant. Zonecampus.caricature. Caricature. Je la cache pas, elle. Ah, ben, la cache pas. Oh, oui. On la fera à Alexandra Carignan. Oui. Ouais. C'est quoi les chances que ça arrive? Ah, aucune. Aucune. Tu vois, on a réussi à le faire décrocher. Un peu de sérieux, éthique journalistique, pas là d'avoir du fun dans un contexte universitaire. Non. Non. Bon. Puis nous, on l'a complètement perdu. Allez, chier. À la semaine prochaine, ils envoient des gros mots, là. Mais c'est un signe d'amitié, c'est de la camaraderie. Il y a la fureur aussi qui va être pendant le mois de novembre. Il y a une c'est la fin nazie, là. La fureur. Ouais, c'est ça, on se met en ligne, puis il faut adorer quelqu'un. C'est ça. Puis on le salue tous de la même manière en même temps. C'est Véronique Cloutier qui aime ça. Main! Elle est bonne. Pas bien, ok, merci. Quand il manque de calcium, là, mettons, là, si tu es comme une personne qui manque de cheveux, fait que tu dis de la calvitium, mettons. Non! Il n'est pas calcimé. Ah, ok. Maudit. Ça tombe tout le temps à plat parce qu'elle a tout le temps la bonne réponse. Ben oui, c'est ça qui arrive. Elle est plate, hein. On devrait pas inviter des chroniqueurs intelligents. Non, c'est ça. Juste des caves. Oui. Mettons, ça va pas bien. Ton compte for food, c'est plus des whippets que genre des fraises. C'est quand même noir, les whippets. Hein? Vous, là. Ben oui, je l'ai. C'est nous, c'est des whippets. Vraiment, ma mère, c'est des whippets à fond. Yes, farts. Donc, pour une. C'est pas une les réponse qui. Je la comprends à délai. Ah, moi, j'ai compris ça à délai, là, comme peut-être quoi, 15 secondes au moins, ouais. Là, on pourra le réécouter. Mais... C'est des whippets, c'est des yes farts. C'est des yes farts. Oui, pets. Oh, God. Oh, God. Oh, je suis pas le B. Je suis pas le B. Finalement, ça allait bien. Oui, c'est ça. Je suis dans la moyenne. Ben, c'est devenu un objet de statut social, le mouchoir en tant que tel, le brodé avec les tissus plus ou moins fins et compagnie. C'était à la mode, t'allais chez Bouclas, mouchais ses rideaux, c'était écœurant. Moi, je suis encore pognée dans l'ancien temps. Il y a un typographe inattentif qui a donné, qui a écrit crossword plutôt que word cross. Ah. Puis le mot croisé est resté. Ah, alors, les erreurs. Si seulement mes erreurs à moi pouvaient provoquer des changements comme ça. Qui sait? Tu vas savoir dans 100 ans. Ouais, ça, c'est tard. Écris des petits mots à tes petits-enfants. Dans le futur, on va dire se planter, puis ça va être positif à cause de Mathieu Plante. Checkez-moi bien aller. T'as deviné le nom de la chanson? C'est quand t'as fait comment? Il l'a juste dit 120 fois. Hein? Oui. Au début, je pensais que c'est quelqu'un qui voulait juste une frite fromage. Don't get gravy. Hey, bon. Ouais, pas fait. Don't get gravy. C'est comme ta conscience qui dit, prends pas de la sauce. Non, pas la petite sauce brune. Pourtant, c'est si bon. C'est si bon, la petite sauce brune. C'est-tu qui est bon aussi? Oui. La petite sauce blanche. Vois, c'est Kiki Sexy Time. Je savais que ça s'en venait comme ça. Ça s'en venait? Oui. Plus tard à l'émission, on va voir François Landry et sa chronique Logocratie s'en vient. Il s'en vient dans Logocratie s'en vient? C'est ça. Wow, c'est beau ça. Je n'écoutais pas parler apparemment. Non, mais c'était beau. Merci. Gueule de bois post-électorale. Ouh. Ouh. Ouh. Ça va sentir la robine. Robin. Vous êtes connaître notre ami Facebook, entre autres. Je sais pas si vous souhaitez bonne fête comme à chaque année. C'est non. Comme bientôt. Puis Denis, à chaque année, depuis 4 ans, il me souhaite bonne fête. Ah, oh, il est fin. Ouais, il est fin pour ça. Je sais pas cette année, parce que monsieur est rendu maire, il va m'oublier, moi. Mais je vais peut-être y rappeler. Est-ce que pour sa fête, il va avoir des cadeaux? Des cadeaux? Fait qu'il y a des godots chez eux. La fin de semaine arrive, entre guillemets, le vendredi compte pas pour la plupart des gens. Moi, ouais, c'est ça. Tu bosses ta job puis tu dors sur ton bureau pendant que personne regarde. Tu manges des ailes. Tu manges des ailes. Tu m'as donné des ailes. Chanson, je sais pas, de Ginette Renaud, on dirait. Tu m'as donné des ailes de poulet. Oui, la fameuse toune, oui. Ouais. On dirait qu'on parle tout le temps d'ailes de poulet le jeudi. Je sais pas si ça donne comme ça. Oui. Non, c'est « Je t'offrirai des ailes de poulet pour déjeuner à saveur de miel et de rosée. » Un duo entre Fernand Gignac et Ginette Renaud. T'sais, elle chanterait des croissants de soleil pour déjeuner, puis l'autre, il parlerait des ailes de poulet pour souper. Puis là, t'aurais comme un petit featuring pour le dîner. Ça, c'est comme si maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui fait les ailes de poulet. Mais c'est Ginette Renaud est en haut qui fait des croissants. Ça, le soleil, et Fernand Gignac est en bas qui fait des ailes de poulet barbecue. Bon, hein? On l'a-tu réglé le problème? Je pense que oui. Y avait-tu un problème à régler? Je sais pas. C'était les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 4 novembre 2013. Retrouvez-nous à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. On lit un reportage de 7h30 avec Jean-Philippe Charbonneau et moi-même Mathieu Plante. Stéphanie qui est toujours là pour faire sa chronique. Mais pas toujours. Ben, presque. Cette semaine, t'étais pas tant là. C'est pas grave. Ben non. D'autres obligations. S'oblige. J'allais le dire, mais je me suis retiendu. T'es retiendu en train de manger les ailes de poulet. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, retrouvez-nous là. Allez sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions, cif.ca pour la programmation complète et puis pas mal ça. D'ailleurs, les montages d'un instant classique, pour ceux qui aimeraient entendre les moments cocasses et farfelus, allez sur assemblagerequis.com. Il y a une page d'un instant classique, il y a un petit carré avec des roches dessus. C'est les mêmes roches que dans le montage que ça fait « Ah, que claw, la roche, elle éclate dans chaque extrait. » Wow! Elle vient d'être là, c'est la roche, man. The Rock. The Rock, ça, c'est Rock.